Cœur de pierre ou d'artichaut? Timide ou joli cœur? Cet été, vous avez peut-être fait ces tests. Mais avez-vous fait le seul vrai test pour votre cœur? Celui qui évalue votre risque cardiovasculaire sur fedecardio.org. Savoir, c'est pouvoir agir. Et pour diminuer facilement votre risque en réduisant votre stress, retrouvez les conseils du professeur Helft, cardiologue, dans Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie. À retrouver sur toutes les plateformes et sur fedecardio.org. Mes enfants et moi avons perdu de vue un peintre de talent nommé, je crois, Sam Mandelbaum, ou Samuel Mandelbaum, mais qui signait ses œuvres Sam Handel ou simplement Sam. Encore une fois, la psilocybine est très proche du LSD, et tous les champignons hallucinogènes divers, il y en a beaucoup. C'était ce qu'on appelait un Montparnasse, vous savez. Je ne sais pas si Sam Mandelbaum est un grand peintre, mais je trouve que c'est un artiste intéressant. D'autant plus intéressant quand vous m'avez communiqué les éléments de son histoire, qui est une histoire tragique. Ce souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot, réalisée par Séverine Cassard. 7e épisode, fragment d'une œuvre. Sam, 36 ans, artiste. Il s'agit de Sam Handel. Il a été déporté pendant la guerre. Il s'agit d'un peintre figuratif qui est passé par plusieurs périodes. Actuellement, son style tend à l'expressionnisme. Il veut que toute la toile soit remplie et que chacune de ses parties vibre. Un sujet est fréquemment rencontré dans sa production antérieure. Un animal, souvent un chat, tient dans sa gueule ou dans ses griffes un oiseau blessé ou mort. Avant même que le médecin arrive, il a peint une fois de plus un animal fantastique avec un oiseau blessé. Ce tableau devrait, dit-il, lui servir de référence s'il a des visions fantastiques sous l'action de la drogue. 19h20, prise de 12 mg de psilocybine. Il commence à peindre, le papier est à terre. Il réalise un personnage marron et noir à l'huile. En fait, c'est plus du dessin que de la peinture. Le sujet n'est pas coloré. 19h40, début de l'action de la drogue. Légèrement dysarthrique, il met une musique rythmée sur son pick-up pour s'aider. Ce que je connaissais le plus de Sam avant cette enquête, c'était les quelques tableaux de lui que ma grand-mère avait conservés. C'est un peu à cause d'eux que j'ai promis à ma grand-mère de retrouver des traces de la vie de son ami Sam Mandelbaum, ou Sam Handel selon son nom d'artiste. Mais ensuite, sa peinture est passée au second plan, derrière son expérience dans les camps de concentration, son arrestation comme résistant trotskiste et sa vie dans les auberges de jeunesse durant la guerre. Mais elle a aussi été éclipsée par l'œuvre de son père, Ephraim Mandelbaum, peintre lui-même et un peu plus connu. Il faut dire qu'il n'est pas facile de retrouver des tableaux de Sam. Selon ma grand-mère, il en a détruit une grande partie. Mais ceux qu'elle a gardés toute sa vie dans son appartement montrent qu'il en existe encore quelques-uns. Peut-être oubliés dans des salons de personnes âgées ou dans des greniers. Je suis donc surpris de voir qu'un musée national français en a acquis quelques-uns en 2018. Il s'agit du musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. J'ai donc pris rendez-vous avec la responsable scientifique de cette collection, la psychiatre Anne-Marie Dubois. Lorsque je la retrouve un matin d'automne sous les voûtes du musée, je pensais qu'elle allait me raconter comment Sam avait peint ses tableaux, lors de l'une de ses hospitalisations en psychiatrie dont parlait ma grand-mère. Mais encore une fois, Sam a déjoué toutes mes attentes. Je ne connaissais pas Sam Mandel avant de prévoir l'exposition psilocybine. L'exposition psilocybine, c'est une exposition qui s'est faite à la rencontre entre l'art et la psychiatrie. C'est-à-dire qu'en 1960, à une époque où l'hôpital était encore un grand lieu culturel, avec des psychiatres qui avaient à la fois une culture artistique et une grande pertinence psychiatrique, comme Jean Delay, qui était à la fois psychiatre, académicien, écrivain, etc. Dès les années 49, il réfléchissait sur les mécanismes du délire schizophrénique au travers d'expériences avec la mescaline. Par la suite, il a expérimenté d'autres drogues pour essayer, dans un premier temps, de comprendre les processus délirants. Dans un deuxième temps, pour essayer de comprendre les processus créateurs, sans pour autant faire l'amalgame entre l'un et l'autre. Donc, Jean Delay était un ami intime de Michaud. Michaud était quand même le plus grand expérimentateur qu'on connaisse, des psychodysleptiques, comme on dit en psychiatrie, des drogues, comme on dit généralement, donc il connaissait déjà bien tout ça. Et il était aussi en contact avec le directeur du muséum d'histoire naturelle de l'époque, qui travaillait sur les champignons, je sais plus le nom du champignon, c'était pas la psilocybine c'est le produit synthétisé, mais en tout cas sur les champignons d'origine. Ça a intéressé Delay, qui a demandé au laboratoire de synthétiser la psilocybine sous forme de comprimé pour pouvoir l'utiliser de façon expérimentale. Donc il a utilisé dans un premier temps, ça a été l'objet d'une première thèse, la psilocybine sur des malades qui avaient des états de prostration très grands, vraisemblablement maintenant on appellerait ça des épisodes dépressifs profonds, pour lesquels on a des traitements, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et puis, dans un deuxième temps, il s'est dit qu'il allait faire la même expérimentation, pas avec des malades, mais avec des jeunes peintres. Et le protocole, c'était de réaliser pendant le temps où on prenait la psilocybine, et c'est une durée de vie assez courte, hein, 2 heures à peu près, de s'adonner autant que possible à toute son activité artistique habituelle. Il se trouve que ça donnait des résultats qui n'étaient pas habituels. Et parmi ces œuvres que nous avons trouvées par hasard, il y avait 5, 6, 7, je ne sais plus, dessins de Sam Mandel. Et vous ne le connaissiez pas du tout ? Pas du tout. Mais les 32 personnes que Jean Delay a installées dans ce protocole de psilocybine, réalisation artistique, n'étaient pas hospitalisées. Donc Sam, quand il produit ses peintures, n'était pas à Sainte-Anne. Absolument pas. 19h45, il entreprend un second tableau. Il peint un animal, un chat. Il déclare « J'aurais bien voulu un animal fantastique, mais il n'en sort qu'un vulgaire chat. » 20h, il met un disque de chant russe très rythmé pour activer l'apparition des phénomènes sensoriels attendus, et il commence sa troisième toile. Il voudrait faire un jeune roi mage. « Peut-être vieillira-t-il en cours de route », déclare-t-il. Parlant à son tableau, « Comme tu m'as regardé dans les yeux, on va te faire des yeux rayonnants. » 20h15, sixième dessin. Il veut absolument que cet animal soit logique, mais il voudrait rendre à la fois la face et le profil du monstre. Il ressent peu les effets de la drogue, trouve toutefois que ça agit davantage que le whisky. Il remplace les chants russes par un disque de jazz très rythmé. Il voit mieux les détails des dessins, il voit ses tableaux plus en profondeur. Merci. Donc vous apportez le carton avec les œuvres de Sam. Donc voilà, vous découvrez ce qui n'a en fait jamais été montré pour certaines d'entre elles et montré qu'une seule fois lors de l'exposition psilocybine. Je vais tourner le carton parce que je pense qu'on est à l'envers. Que je vois une tête sur ce premier dessin qui est tout en haut de la pile, qui est une tête de diable un peu, on voit 2 cornes. Tête de diable, c'est votre propre interprétation. 20h50. Enfin, sa résistance envers la drogue cède. Il va alors trouver une nouvelle technique et ne plus ressentir les effets physiques désagréables dont il se plaignait auparavant. Fatigue, fourmillement dans les jambes. Là aussi, on voit une forme de... Enfin, je sais pas, je vois des grandes dents. Je sais pas si vous les voyez aussi. Moi j'aurais dit, vous savez, ces chiens méchants là, parce que on peut voir les dents et la langue. Encore une fois, la psilocybine est très proche du LSD. Et tous les champignons hallucinogènes divers, il y en a beaucoup. Et c'était fait à Sainte-Anne même, dans le cabinet de M. Delay ou... Alors, parfois oui, parfois chez les artistes même. Là, c'est un chat plutôt. Il est très très beau celui-là. Très structuré, très élaboré, avec effectivement une tête. Vous dites un chat, une tête au milieu. Peut-être la constante, ce sont les yeux en étoile. Évidemment, ça prête à toute interprétation, mais qu'on évitera de donner directement. Mais par définition, ce sont des œuvres qui vivent par elles-mêmes, parce que là, le corps du chat, il est quand même par là pour moi, mais peut-être pas pour vous. Si, si, tout à fait. Je vois la tête en plein centre, le corps qui est plutôt sur le côté gauche. Et là, moi, je vois aussi un croissant de lune. Peut-être, et là, des immeubles, mais effectivement, et un ciel étoilé derrière, puisqu'on voit différentes étoiles derrière le chat. Les étoiles se ressemblent, les étoiles des yeux et les étoiles du ciel. ...21h30, il entreprend un 12e dessin en format plus petit. À l'aide d'une nouvelle technique de projection, une tête d'animal sort. Un chat méchant. De plus en plus absorbé par son travail, il dessine la lune à la droite du chat. Il personnifie la lune. On va faire un œil et un visage. Il revient au chat. Il veut en faire une bête apocalyptique. À ce stade donc, la bête est en face de la lune. Puis, il place en bas la ligne d'horizon qui est incurvée. Sur le coin à droite, on va mettre une ville. Le dessin prend petit à petit une apparence fantastique. On va inscrire la bête dans le ciel avec des étoiles. Enfin, l'animal fantastique apparaît, les pattes posées sur la planète, se détachant sur un ciel étoilé, avec une lune à visage humain et une ville sur la droite. Là, c'est tout à fait différent. Là, on est dans l'abstraction, même si on peut voir un visage de profil. La réalisation est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus complète. Et puis avec des jetés de peinture un peu à la Pollock dessus. Oui, c'est ça qui en fait une composition beaucoup plus élaborée que les précédentes. 21h50, il prend une toile. Jusqu'ici, il n'a travaillé que sur papier. À nouvelle technique, nouveau geste. Je me sens libérée du complexe de culpabilité envers la toile. C'est une matière noble et un peu sacrée. Je me sens débloquée. Mon père était peintre. Je n'ai jamais eu le culot de faire ça. J'ai toujours voulu faire ça. Maintenant, mon problème, c'est la couleur. J'ai été élevée dans le classicisme. 22h. Il faut que je recrée entièrement une technique. Il essaie une projection de gouache rouge. Ça ne produit rien de satisfaisant. Il tente de rattraper en projetant de l'encre noire sur la surface rouge. Il dessine un cercle. J'ai besoin de mettre un cercle pour m'affirmer. Dans le cercle, il n'y a aucune part de hasard. Dans ce protocole, reviennent sans cesse les thèmes de l'homme et du monstre, du coupable et des juges. Jamais je n'aurais pensé qu'un tel témoignage sur la peinture de Sam ait été conservé quelque part. J'ai l'impression, en lisant ces mots, d'entrer dans son atelier, de le voir peindre, d'entendre les musiques qu'il aimait écouter. On le sent vivant, mais aussi déchiré entre son envie de créer comme il l'entend et une forme de fidélité au travail de son père assassiné à Auschwitz. Mais encore une fois, il s'en est fallu de peu que cette trace disparaisse à tout jamais. Ces tableaux ont été retrouvés in extremis, dans une penderie, chez la veuve de l'interne en psychiatrie qui avait rédigé sa thèse sur cette expérience en 1959. Retrouver Sam dans ce contexte ouvre plus de questions que ça en résout. Comment s'est-il retrouvé là? Quelle place a eu ce moment dans sa vie? Et puis a-t-il, oui ou non, été hospitalisé en psychiatrie? À la fin de notre rencontre, Anne-Marie Dubois m'apprend que Jean-Jacques Lebel a lui aussi participé à cette expérience. À cette époque, il était peintre et s'apprêtait à lancer le mouvement des happenings artistiques en Europe. Depuis, il est devenu un artiste reconnu et il a même signé un certain nombre d'émissions pour France Culture. C'est donc facilement que je le retrouve. Bonjour, c'est Jean-Jacques Lebel à l'appareil. Oh bonjour, merci de me rappeler aussi vite. Je vous en prie. Je l'aimais beaucoup, Sam. Hein. Vous le connaissiez bien ce type. Oh ben, c'est bien, oui, on se connaissait, oui. Ah, super. On s'est fréquenté pendant 5-6 ans, quoi. Oh. Et je l'ai visité son atelier, rue Ordener, et il venait chez moi, et on discutait beaucoup. Et c'était... Évidemment, l'histoire de la psilocybine, ça a été très important dans sa vie. Et je me demande si ça a été positif. Je crains fort, mais ça c'est mon impression à moi, c'est que ça a été tragique pour lui. Parce que, comme vous savez, il a été détenu dans un camp de concentration. Il avait le numéro tatoué sur son bras. Et il a été un des très très rares survivants, n'est-ce pas? Oui. J'ai connu deux ou trois personnes qui étaient des miraculés comme lui, et leur vie était brisée par ça. Alors ce qui était extraordinaire avec Sam, c'est que il avait une espèce d'énergie vitale tellement, tellement colossale, tellement resplendissante, qu'il avait renversé complètement la chose. C'est-à-dire que c'était un très grand dragueur. Et je crois que la première fois que je l'ai vu, que je l'ai rencontré, c'était au Select, à Montparnasse, au printemps et en été, à la terrasse. C'était le lieu privilégié de la drague. Alors, je le croisais comme ça, parce que moi, j'étais au American Center. D'accord. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Allô, on a été coupé. J'étais en train de vous dire que c'était le roi des dragueurs, toutes catégories confondues. Champion du monde de la drague. Il avait fait de la drague un espèce d'art. Il était plus talentueux dans la drague que dans sa peinture. Parce que je crois que... C'est ce que j'essayais de vous dire, c'est très compliqué, mais c'est qu'il ne pouvait pas parler de son trauma profond, de l'horreur qu'il avait vécue. Il n'avait pas de mots pour ça. Alors il essayait de le faire en peinture et ça ne marchait pas très bien. Alors le drame, n'est-ce pas, à mon avis, mais encore une fois c'est une interprétation personnelle, c'est que la psilocybine a déclenché chez lui un retour en arrière de la mémoire. Et tout ce qu'il avait refoulé, tout ce qu'il avait enfoui pour pouvoir survivre, c'est revenu massivement sous la psilocybine, vous voyez ? Et ça l'a complètement brisé une deuxième fois. Et il n'a plus jamais été le même. En fait, il n'aurait pas dû prendre de la psylo. Donc vous l'avez rencontré au Select ? Vers quelle Select, année ? Bah, c'est dans ces années-là, dans les années 50. Mmh. Et puis le dimanche, on se retrouvait dans une maison rue de la Tombissoire avec d'autres amis tous les dimanches après-midi quand on était à Paris. Vous savez avec qui c'était ? Oui, oui, avec un ami américain qui s'appelait Alain Zion, Z-I-O-N, qui avait acheté un petit terrain vague au 22 de la rue de la Tombissoire. Et sur ce terrain vague, il avait construit une petite maison à la japonaise en bois. Et on se réunissait, tous les gens qui parlaient un peu anglais, qui aimaient le jazz et tout ça, on se réunissait le dimanche après-midi chez lui. Il y avait une espèce de fête, on mangeait des spaghettis, on buvait un verre de rouge et des trucs comme ça. Et ça me venait tous les dimanches, là. C'était ce qu'on appelait un Montparnasse. Et je voulais l'aider en tant que peintre, vous voyez ? Il était un peu paumé en tant que peintre. Il n'arrivait pas à trouver son truc, vous voyez. Ça m'avait beaucoup touché. C'était un type extrêmement émouvant. Extrêmement émouvant. Et vous avez des tableaux de Sam ? Non, malheureusement, je n'en ai pas, non. J'aurais bien voulu en avoir, ne serait-ce que en souvenir de lui. Malheureusement, je n'en ai pas. Lettre de Sam à ma grand-mère. Bonjour Alice. Je suis trop bien pour écrire et toute l'inspiration est partie dans les tableaux. J'ai bien travaillé. Tu vas voir les progrès. Et j'ai même vendu 4 tableaux. On vient me voir comme un monument. Je deviens le peintre moderne de la Corse. C'est formidable ici. Des plages désertes pour moi tout seul, du poisson au bout du fusil, du soleil sur la peau et de nouveaux muscles plein le corps. Des gens simples, sans problème. Et pourtant, je travaille. 6 toiles bonnes en un mois. Vive moi. Et toi, mon Alice, je serai très heureux de te revoir. Je suis un sale cochon qui n'écrit pas, mais je t'aime bien. Et tu fais partie des plaisirs de la rentrée. Je t'embrasse. Ton vieux Sam. Hôtel de la plage, Sagone, Corse. J'ai retrouvé cette lettre de Sam dans les affaires de ma grand-mère. Elle n'est pas datée. Je me demande ce que sont devenus les tableaux dont il parle. Dorment-ils quelque part dans une famille corse? Est-ce que l'un d'eux est ce tableau que j'ai vu l'an dernier dans une vente aux enchères sous le nom de Paysage méditerranéen? En fouillant de manière systématique sur Internet, j'ai retrouvé la trace d'une vingtaine de tableaux de Sam. Il y en a de différents types, plus ou moins abstraits. Des paysages un peu cubistes, une peinture de la cathédrale Notre-Dame, des rois mages, un concert de jazz, une cage aux oiseaux, des voiliers. Mais depuis le début de cette enquête, une question me trotte dans la tête. Comment savoir ce que vaut la peinture de Sam? Était-il un bon peintre? Je me suis finalement décidé à aller voir quelqu'un dont c'est le métier. Valérie D'Acosta est historienne de l'art, spécialiste de la peinture française et italienne des années 50. Elle nous accueille dans son appartement parisien, au milieu des catalogues de peintres de cette période et des photocopies des tableaux de Sam que j'ai apportés. Par rapport à votre question, est-ce que c'est un grand peintre? Ça, c'est une chose qui est très compliquée parce que je crois que c'est porter un jugement de valeur que de dire effectivement si un artiste est grand ou moins grand. Bon, le génie artistique, je doute véritablement qu'il existe déjà. Mais après, c'est pas lié à la production d'un artiste qui fait qu'elle ou il soit un grand peintre ou une grande ou un grand sculpteur. C'est aussi ce qui s'en dégage, c'est la singularité en fait d'un travail, c'est aussi l'attachement qu'on peut porter à une œuvre, que ce soit un attachement personnel parce qu'on a connu l'artiste, que ce soit un attachement familial, que ce soit voilà un attachement de toutes sortes. En tout cas, je ne sais pas si Sam Mandelbaum est un grand peintre, mais je trouve que c'est un artiste intéressant. D'autant plus intéressant quand vous m'avez communiqué les éléments de son histoire, qui est une histoire tragique. Et ce qui est très étonnant, je trouve, c'est qu'il a été déporté à Auschwitz. Il en est revenu, ses parents sont morts. Et il a fallu se reconstruire après tout ça. Quand vous m'avez communiqué ces images, j'ai évidemment pensé à d'autres artistes qui avaient été déportés, d'autres artistes qui avaient dessiné de manière secrète, parce que c'était pas possible. J'ai pensé à Tatlitsky, j'ai pensé à Zoran Muzic, l'un à Buchenwald pour Tatlitsky et à Dachau pour Muzic. Et puis, chez Muzic, on sait que ces choses-là reviennent dans les années 70. Mais alors, Sam Mandelbaum, ça n'apparaît jamais. Enfin, la figuration, parce que c'est un problème, en fait, la figuration dans l'après-guerre et dans les années 50. C'est pour ça que ça pose des enjeux très forts à ce moment-là, entre deux courants, l'abstraction et la figuration, qui s'opposent vraiment. Aujourd'hui, ça peut nous paraître étonnant, mais si on recontextualise des choses, ça pose des vraies questions. C'est comment on peut effectivement représenter encore la figure humaine, avec quels moyens? Après la Shoah, après 6 millions de morts, plus tous ceux aussi de la Seconde Guerre mondiale qui sont morts sur les champs de bataille, etc. Donc, chez lui, c'est très étonnant que ça ne réapparaisse jamais. Il n'y a jamais une résurgence, en fait, de ça, du drame qu'il a vécu, de la douleur immense qu'il a vécu. Comme si c'était la peinture, peut-être, était un moyen, et ça l'est aussi pour beaucoup d'artistes, l'art, un moyen de dépasser ça, d'essayer d'outrepasser ça, de permettre de vivre. Mais mon histoire n'est pas vraiment la mienne. D'ailleurs, je crois que le monde entier subit mon histoire. Je ne suis pas venu d'une autre planète. Il y a des millions de gens qui ont eu une enfance malheureuse, ou internés dans des camps, ou traversés des épreuves inoubliables qui font et qui feront encore mal jusqu'au dernier moment. Donc, je ne suis pas le seul. Mais comme j'ai la chance de pouvoir peindre, m'exprimer, j'essaie de le faire le plus clairement possible. C'est pour ça que je peins toujours figurative, pour qu'on voit, pour que ça soit vraiment visuel. Mais malheureusement, ça ne donne pas toujours cet effet que moi j'aurais voulu, parce que les gens ne veulent pas se voir en face. On veut être tranquille plutôt. On veut tous être bourgeois, tranquille. Vous comprenez ? La voix que vous entendez n'est pas celle de Sam. C'est celle du peintre Marian. Il est interviewé par Pierre Cabanne en 1974. Je sais que Sam et Marian étaient amis. Je sais même très précisément qu'ils ont passé le réveillon du 31 décembre 1959 ensemble, à Paris, dans l'appartement de la famille du paysagiste Pierre d'Auvergne. Ce dernier le mentionne dans un texte autobiographique dans la revue Topia. Les itinéraires de Sam et de Marian sont très proches. Ils sont nés dans des familles juives, dans la même région de Pologne, à 20 km de distance. Ils ont tous deux été déportés à Auschwitz et ont été les seuls de leur famille à survivre. Après la guerre, ils vivent dans le Paris des années 50, probablement en enviant un peu les Américains qui défilent à Montparnasse, au Select. Mais Marian, lui, a déménagé à New York en 1962. Et une petite décennie plus tard, il consacre une série de carnets, puis un film, à son expérience de la Shoah. Pour qui peignez-vous ? Pour tout le monde. Et pour moi, c'est la seule communication entre moi et le monde. À qui en voulez-vous ? Est-ce que c'est aux gens qui vous ont fait du mal pendant les années du nazisme ou pendant la guerre ? Est-ce que vous en voulez aux hommes ? Est-ce que vous en voulez à la société ou à vous-même ? Premièrement, j'en veux à moi-même. Je m'en veux tout simplement parce que j'en veux à tout le monde. J'accuse la société. Et c'est comme ça que je m'exprime en accusant la société. C'est le seul contact que j'ai, en espérant qu'elle m'écoutera. C'est le seul moyen, en montrant toute la réalité en face à tout le monde et à moi-même, pour avoir un peu d'espoir, pour que ça devienne mieux. Si on laisse dormir tout ça, il n'y aura plus d'espoir. Peut-être que Sam aussi a peint ce qu'il a vécu dans les camps. Je n'ai pas retrouvé suffisamment de ces tableaux pour le savoir. De manière générale, je ne trouve quasiment aucune trace de lui à partir du milieu des années 60. Ses souvenirs de la Shoah l'ont-ils dévasté, comme le pense Jean-Jacques Lebel ? A-t-il été hospitalisé en psychiatrie, comme l'écrit ma grand-mère ? Pour en avoir le cœur net, j'ai écrit un mail aux archives de l'hôpital Sainte-Anne pour savoir s'il conserve un dossier à son nom. Encore une fois, ce que je m'apprête à trouver ne correspond pas à ce que j'attendais. C'était « Ce souvenir de Sam ». 7e épisode, fragment d'une œuvre. Avec Anne-Marie Dubois, Jean-Jacques Lebel et Valérie Dacosta. Lecture, Hélène Losseur. Et tout de suite sur France Culture, 8e épisode. Est-ce que tu te rappelles de comment était Sam ? Ah oui, je m'en souviens bien. Il était comment ? Il était plutôt beau. Il était préoccupé. Les nuits sont des moments de terrifiants, en fait, parce que très souvent, ils se retrouvent en camp. On s'attend des rescapés, que ce soit des personnes qui ont appris quelque chose de leur souffrance, de leur trajectoire, et qui ont quelque chose de très profond à nous communiquer. Ce souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot, réalisée par Séverine Cassard. 8e épisode, Disparaître. Paris, le 30 septembre 2022. Monsieur, suite à votre demande, veuillez trouver ci-jointe la copie du dossier de Monsieur Mandelbaum Samuel. Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. Docteur Pierre de Maricourt,